Ce que je fais, jamais tu le feras. Je suis genre de mec protégé par des putains de rats. Ouvrir le ventre du peurat, cinglante sur mes traces de pas. J'ai la scie, envie d'acheter une tronçonneuse pour couper tes deux bras. Je vais dans les chambres d'hôtel, attache mes victimes dans leurs bras. Parce qu'à gaz dans mon corps, je ne m'occupe de leur cas. Mes cadavres disséqués, je ne m'occupe de leur tasse. Sur le tablier, je prépare mon repas. Je suis couché sur un killer qui dort, me réveille pas. Je te donne le gun, la capote, viole là. Des idées noires, des cauchemars, derrière mon cadenas. Appelle-moi, tu trépas, le putain de caporal. Tu m'aimes et je te baisse, tu me trouves gentil, je te crève. J'ai la cible qui soulève, je massacre tes rêves. Tu m'aimes et je te baisse, tu me trouves gentil, je te crève. J'ai la cible qui soulève, je massacre tes rêves. Et tu te sauves loin de moi, loin de moi. Mais pourquoi, mais pourquoi? Et tu te sauves loin de moi, loin de moi. Mais tu me reverras. Tellement d'argent sale, appelle-moi crado. Je n'ai pas les couilles de l'avenir, appelle-moi Babaco. Petite, cache-toi, ou j'appelle le pédophile. Petit, pour entrer dans mon monde, fume un pédophile. J'ai pas de Lexus, mais je suis coté, même ton ex. Pas d'excuse, il est vu que ton chapeau poste, je tape la crise. Les négros riches ne frappent plus, reste dans la légalité. Moi je pense au McDo, mais soir j'ai un gun, une sale mentalité. Moi plus me tremper dans le sang de mes ennemis. Je m'auto-bénis, ne souris pas à ceux qui te renient. Moi je tue, j'ai mal au crâne, je frappe jusqu'à que tu ne bouges plus. J'ai des visions, je vois le mal, le diable, une grosse gueule pour chier. Tu m'aimes et je te baisse, tu me trouves gentil, je te crève. J'ai la cible qui soulève, je massacre tes rêves. Tu m'aimes et je te baisse, tu me trouves gentil, je te crève. J'ai la cible qui soulève, je massacre tes rêves. Et tu te sauves loin de moi, loin de moi. Mais pourquoi, mais pourquoi? Et tu te sauves loin de moi, loin de moi. Mais tu me reverras. Si tu vis mes poubelles, ouvre pas. Semaine, la viande humaine, étrange mélange. C'est dernier, c'est ma vie, c'est que chimbo de serpent sur ma trinque. En délire, ma chaussette de liasse d'euros se plaint. Les enfoirés cherchent une martyre. Alors mets à mes pieds, tiens un marteau, un hachoir, un fume-moi. Vas-y, fais mon métier. Quelques larmes, quelques organes, tu chaud dans mon prochain chalutier. Laissez faire le chalumeau dans l'obscurité. Je m'appelle atypique, je ne connais ni la loi, ni aucune limite. Inoxydable, six words, six words, mon dastique. J'ai perdu ma foi, le voici, tu m'invites. Je suis un serial killer, je m'appelle atypique, je ne connais ni la loi, ni aucune limite. Inoxydable, six words, six words, mon dastique. J'ai perdu ma foi, pas de voici, tu m'invites. Gentil, je te crève, j'ai la cible qui soulève, je massacre tes rêves. Tu m'aimes et je te baisse, tu me trouves gentil, je te crève, j'ai la cible qui soulève, je massacre tes rêves. Et tu te sauves loin de moi, loin de moi. Mais pourquoi, mais pourquoi? Et tu te sauves loin de moi, loin de moi. Mais tu me reverras. Et tu te sauves. Et tu te sauves loin de moi, mais tu me reverras. Tu m'aimes et je te baisse, tu me trouves gentil, je te crève. Je suis atypique, soulève, je massacre tes rêves. Tu m'aimes et je te baisse, tu me trouves gentil, je te crève. Je suis atypique, soulève, je massacre tes rêves.